Trazer armé, je suis en déplacement, je suis dans une berline. Ouais, les gros déterrent les termes qui me déterminent. Je pourrais pas fermer, je fais les trois placements. Ce que j'entreprends, je le termine. J'ai un temps d'avance, j'ai toujours ma con, je fais des transactions secrètes. Que le bénéfice, la perte, trop de bouffons qui se la pètent. Hein, y'a pas mal de fils de timbre dans ce monde qui font des actions de traître. Tu sais comment ça se déroule, je suis dans mon coin, je pré-roule. Quand les tensions te pressent, inflammation te berce. Fais plus attention, je prête. Les tentations me crèvent. La monnaie c'est ma seule quête. La vie à Dieu ma seule tête. Donc j'arrête pas une seule tête. Je suis pas trop la fête, c'est pas trop mon tel. Mon flow fait sonner mon tel. Décroche quand la monnaie m'appelle. Très négro, je reste arrêté. Quel intérêt j'étais dans la cervelle. J'essaie de me tourner vers le ciel. Afin d'apaiser mon seum. Je me dois d'entasser les sommes. Et de m'éloigner des hommes. Car ici bas tout me désole. Donc j'allume la bûche, j'décolle. Faut que je quitte le sol, donc je tire sur le stick, je vole. J'ai la voix pour le style, bitch. Très négro, check mes skills. J'ai pas trop le temps pour chill, bitch. Mes sentiments me kill. J'ai quitté la merde, man. J'ai que fumer de l'herbe, man. Ouais, négro, j'ai les crocs. Commando Berman. Mais je pourrais pas perdre, man. Je suis infernal. Vrai négro, tu sais où je suis. Tu sais où je suis. Tu sais qui je suis, négro. Tu sais où je suis, bitch. Tu sais où je suis, hein. Toujours au bon char, 2-3 pétards sous mon charme. Ouais, tu sais où je suis. Ouais, tu sais qui je suis, bitch. J'ai mes valeurs et mes principes. J'aime que l'échec avec plein de chiffres. Ouais, tu sais où je suis. Tu sais qui je suis, bitch. Tu sais où je suis. Tu sais où je suis. Ouais, tu sais où je suis. Hein, yeah. Vrai, négro, fier. Je pense à demain, je regrette hier. Vrai, négro, cherche lumière. Sacrifice, remplisse la cuillère. Merci, pardon dans mes prières. Car j'ai fait du bien, mais aussi du mal. Un peu trop fait l'animal, mais je reste original. Malgré que je suis originel, je vois le polygynel. Non, je suis toujours au bon char. Je crois pas sous mon charme. J'ai mes valeurs et mes principes. J'aime que l'échec avec plein de chiffres. Bitch, arrête ton ciné. Tu seras jamais ma dulcinée. Ça ne sert à rien de me câliner. Mon cœur est bien trop abîmé. Donc, je follow ma route. J'évite les doutes, coûte que coûte. Pour pas finir, banqueroute. Plus rien à foutre, plus rien à perdre. Que tu peux pas prendre. Pas d'âme à vendre, pas de compte à rendre. Ta gueule si t'as rien à m'apprendre. Tu sais, la vie n'est pas tendre. Je veux pas voir mon cœur se fendre. Alors j'allume et je cendre. Et je vois mes démons se pendre. Ouais, tu sais où je suis. Tu sais où je suis. Tu sais qui je suis, négro. Tu sais où je suis, bitch. Tu sais où je suis, hein. Toujours au bon char. 2-3 pétards sous mon charme. Ouais, tu sais où je suis. Ouais, tu sais qui je suis, bitch. J'ai mes valeurs et mes principes. J'aime que l'échec avec plein de chiffres. Ouais, tu sais où je suis. Tu sais qui je suis, bitch. Tu sais où je suis. Tu sais où je suis. Ouais.